d'être dans votre intelligence et qui vous empêche de pouvoir, une fois pour toutes, vous apprécier parfaitement. Il y a des gens qui viennent me voir et qui disent « Ah, c'est difficile, là. C'est pénible, là. C'est ça. » Je le dis à tous les hommes, il y a un prix à l'intelligence pure. Il y a un prix à la conscience, il y a un prix à l'intelligence cosmique, il y a un prix à la conscience cosmique, il y a un prix à la fusion de l'homme. Et regardez tous ceux qui ont vécu la fusion, que nous avons connus dans l'histoire de l'homme, ceux qui ont connu la fusion ont payé le prix. Il y a toujours un prix, parce que la fusion, c'est la pénétration dans la matière d'une énergie tellement puissante qu'il n'y a aucune puissance sur tous les plans des mondes invisibles qui puisse arrêter cette force. C'est pour ça que l'on dit que dans le cycle qui vient, la lumière remplacera les ténèbres. La lumière remplacera les ténèbres, pourquoi? Parce que lorsque la lumière est, les ténèbres doivent disparaître. C'est lorsqu'elle n'est pas que les ténèbres entrent. Mais puisque l'homme est fait de ténèbres parce que l'homme n'est pas dans son intelligence, il est évident que son expérience vibratoire est pour lui difficile. Mais au moins vous savez, vous avez la mémoire, vous avez l'expérience, vous avez les hommes, vous avez des contacts humains d'un ordre qui n'existe pas sur la planète, vous avez entre vos mains suffisamment d'informations, de connaissances, de rapports pour vous permettre de vivre sur le plan matériel, dans les années qui viennent, des conditions de vie qui ajusteront votre intelligence et qui vous permettront, à un certain moment, de connaître d'autres aspects de vous-même. Alors, votre vie, même si elle est difficile dans son rapport avec les forces internes qui travaillent, dont vous ne connaissez pas la raison, dont vous pouvez vous fâcher contre la raison, ces forces sont des forces de lumière qui engendre en vous de l'intelligence. Et si vous souffrez de ces forces, si vous souffrez de ces vibrations, moi je suis content. Et lorsque c'est trop pénible, il y a des gens pour vous répondre, ou il y a moi pour vous répondre, ou il y aura d'autres pour vous répondre. Mais vous ne serez jamais seul et vous ne serez jamais laissé seul. Même lorsque je cesserai mes activités, je m'organiserai pour que vous ne soyez jamais seul jusqu'à la fin du cycle. Mais comprenez que l'abus de confiance que vous pouvez souffrir des hommes, à un moment donné, vous devez être capable de le cerner, de l'arrêter, de le saisir. Vous ne pouvez pas vous permettre dans l'avenir, de souffrir d'abus de confiance. Parce que si vous souffrez de l'abus de confiance, ce sera simplement un indicateur que vous n'êtes pas suffisamment dans votre propre intelligence. Et s'il vient après moi des êtres qui sont puissants dans l'intelligence et qui ne font pas partie de mon champ d'énergie, il se pourra très facilement que vous puissiez, à cause de votre abus de confiance, être déraciné de vous-même et enraciné dans une terre qui n'est pas la vôtre. Moi, je ne peux pas me poser devant vous comme étant tel ou tel ou tel ou tel, mais je peux vous avertir que les temps viennent où l'homme n'aura aucune sécurité que lui-même. Aucune que lui-même. Alors, ce que vous pouvez développer, ce que vous pouvez comprendre sur le terrain très plat, très rudimentaire de l'expérience de tous les jours, dans le bureau, dans la légalité, dans vos affaires entre les hommes, dans l'achat d'une maison, ainsi de suite, tout ceci fait partie d'un développement ultérieur qui ira de plus en plus vers des dimensions de l'intelligence, des dimensions de rapport occulte que vous devrez un jour être capable de, par vous-même, cerner. Si aujourd'hui vous n'êtes pas capable de voir la déception dans l'esprit ou dans le comportement d'un homme inconscient, comment voulez-vous que demain vous puissiez voir la déception lorsque l'œil sera ouvert et que vous aurez accès à des mondes dont vous ne connaissez même pas les lois? On continue. Before I came down, that's what I wanted. Okay, on continue. M'entendez-vous? Ok, je continue. Là, je vais prendre je vais prendre un peu de temps pour vous répondre très, très rapidement, un peu au hasard. Les gens qui ont des questions, n'importe quelle question que vous avez, là. Il y a des gens qui ont des questions. Surtout ceux que je vois pas souvent, là. Moi, là, ça me revient, ça me fait. Vous savez, là, quand vous avez les frères, là, mois de novembre, je vais dire. Ouais. Mais quand on va avoir fini? OK. Ah, correct en haut? Correct en haut, là. OK. C'est une période de questions. Quand on va finir pour ces étapes-là, là, ça va être la fusion, la réparation avec ce livre. Vous avez dit, nous autres, en tant qu'individus qui avaient vécu ça, est-ce qu'on aurait été capable de remettre le doigt dessus? Oh, je me rappelle plus ce que j'ai dit. Mais moi, ça me fatigue, là, pour savoir que je vais arriver à un moment donné, après la fusion. Bon, occupez-vous-en pas. Ça vous fatigue parce que vous y pensez. Il ne faut pas penser à ça, ces choses-là. Votre problème à ce niveau-là, c'est que vous pensez à ces choses-là. Puis si vous pensez à ces choses-là, vous allez vous créer automatiquement de l'anxiété. Vous ne pouvez pas penser à ces domaines-là. C'est pour ça que je dis souvent qu'il faut que les hommes en arrivent à pas penser. Pas penser surtout à ces affaires-là. C'est pas de vos affaires, ces affaires-là. Où vous allez atterrir demain. Ça sera le fun. Ben oui, ça sera le fun. Ça nourrit votre ego, ça sera le fun. Bien nourrissant votre ego, vous créez des formes pensées, puis vous souffrez de ces formes pensées-là. Faut que vous arrêtiez ça, ces affaires-là. Lâchez ça. Parce que si vous commencez à taponner avec ça, puis à penser avec ça, puis essayer d'approfondir ça, c'est comme quelqu'un qui essaie d'approfondir la cosmogonie d'Urantia. C'est pas bon pour vous autres. Occupez-vous pas de ça. Occupez-vous pas de votre avenir occulte. Ça se comprend pas l'avenir occulte au niveau de l'intellect. Je peux vous parler de certaines choses, mais au moins, faut pas que vous vous y attachiez. Sans ça, vous allez faire l'overtime. Moi, si je vous disais, ma chère madame, que le seul temps dans ma vie qui m'intéresse, moi là, c'est tout de suite. C'est même pas tout à l'heure, même pas demain, même pas dans 20 ans, dans 40 ans, c'est tout de suite. Je suis même pas capable de penser à tout à l'heure. Puis je peux même pas me rappeler tout à l'heure. C'est une discipline mentale, c'est un ajustement mental. Il faut que vous lâchiez ça. Sans ça, vous allez vous créer de l'anxiété pour rien. Ça fait partie de votre tempérament, d'une curiosité spirituelle, puis ésotérique, puis interne, puis philosophique. Et éventuellement, vous allez en sortir, mais... Faut pas penser à ces affaires-là. Ça n'a aucune importance, d'ailleurs, ces affaires-là. Demain, dans ce temps-là, ça n'a aucune importance. Hey, tant de minutes. Comment est-ce que vous allez rentrer dans ces dimensions d'expérience-là? Comment pouvez-vous rentrer dans des dimensions d'expérience comme ça en pensant à ces affaires-là? C'est impossible. Plus fort? Alors, faut pas penser à ça. Il faut pas penser à ça. Comprenez-vous? Je comprends. Mandez-vous donc dans votre tête, pourquoi ça vous intéresse ces choses-là? Qu'est-ce que vous avez comme réponse, vite, vite? C'est bon, OK. Ah! Regardez ce que ça vous répond. Vous voyez, vous dites, ils vous répondent, c'est pas de vos affaires, puis vous, votre ego entre en jeu, puis vous vous obstinez avec eux autres. Si vous vous obstinez avec eux autres, ils vont vous conseiller. Bon, mais c'est ça qu'ils font, jusqu'à temps que vous arrêtiez. Les autres, ils appellent ça une toquade. Ouais. Puis vous êtes toqué, vous avez toujours été toqué. Ça fait partie de votre tempérament. Ils disent... Oui, il y a des bons côtés à la toquade. À un certain moment, il faut vous arrêter de prendre du sérum. Du sirop, il faut arrêter d'en prendre à un certain moment. Ça, c'est important. Demandez-leur donc, pourquoi est-ce que vous êtes toqué? Qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est vide. C'est vide? C'est comme ça que vous devez être. Next. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Il n'y a personne qui a de questions. Des gens que je ne vois pas souvent. Ouais. Faites quelqu'un. Non. OK, je vais continuer. Les gens ne sont pas curieux, c'est bon. Pourquoi être curieux? Donc, j'aime ça de temps en temps laisser une chance aux gens de demander des questions, parce que des gens, je ne vois pas souvent. Mais ça, c'est important pour vous. Oui, mais. Peux-tu me poser la question? Qu'est-ce que je fais dans le moment? Oui. Avant, au moins, je me disais, ah, c'est pas grave, ça va arriver. Oui. Là, je me dis, aujourd'hui, c'est bon, c'est les finis de l'hiver. Puis en plus, comme les enfants, c'est bon, c'est des ordres. Je veux savoir c'est quoi le cadeau. Ben, c'est pas nécessairement un cadeau. Je trouve que c'est un cadeau, là. Ce qui est important pour nous autres, les hommes, c'est de vivre sur le plan matériel, puis de grandir dans notre intelligence. Quand on grandit dans notre intelligence, on commence à voir l'autre bord. On commence à comprendre l'autre bord. C'est intéressant, votre question. Votre question est intéressante, d'ailleurs, elle s'applique subliminalement, votre question que vous vous posez présentement. Tous les gens l'ont, cette question-là, pas pareil. Mais il n'y a pas une personne parmi vous autres qui n'a pas, au bout de son esprit, un petit poisson. Il n'y en a pas un. Pas un. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas un qui n'a pas, au bout de son esprit, là, un petit poisson, au bout de la ligne. C'est nous autres qui le poisson prêt à se faire manger. Puis, c'est nous autres, on fait l'ingestion du poisson. C'est... Savez-vous qu'est-ce que c'est un homme? Un être humain. Un être humain, c'est un être qui ne sait pas où il va parce qu'il cherche à aller quelque part. C'est ça, un être humain. Et tant qu'il cherche à aller quelque part, c'est comme s'il descend, devant lui une porte qui l'empêche d'aller quelque part. C'est la condition de l'homme. L'homme est un être de lumière, mais il vit totalement en dehors des conditions de cette lumière-là. Et il vit en dehors des conditions de cette lumière-là à tous les niveaux possibles et inimaginables. Si l'homme, là, était vidé instantanément de son humanité subjective, de ce qui l'empêche d'entrer dans cette lumière-là, il viendrait fou net. Parce qu'il n'aurait plus de support psychologique pour son ego. Alors, c'est pour ça que c'est petit à petit qu'il nous est enlevé telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Là, ils ont commencé à nous enlever notre spiritualité, là. Puis ensuite, ils commencent à enlever la mémoire, puis ils commencent à enlever les pensées. Ils commencent à enlever, puis enlever, puis enlever. Puis ça va durer des années de temps. Alors, sa question à elle, c'est pas une question banale. C'est une question qui se retrouve d'une façon ou d'une autre, même d'une façon très subliminale, chez tous les êtres humains. Quand on a des changements vibratoires très intenses, là, des fois on a des changements vibratoires, en tout cas moi j'en ai, puis c'est comme s'il y a une tension entre le matériel et l'éther, là. Puis le passage, là, il est plus sous notre contrôle, le passage. Puis l'ego, il vibre. Mais quand on est bien conscient, puis qu'on réalise à cause de l'expérience, à ce moment-là, l'ego ne souffre pas de vibrer de ce passage-là, parce que c'est toute une affaire passer d'un plan à un autre. T'sais. Vous autres, tu sais, quand tu regardes une map, puis tu dis, bon, là, je m'en vais à Mexico, là, m'aller là. Quand tu arrives à Mexico, tu fais deux villes, puis tu t'écrases dans le soleil, puis tu crèves. Tu sais, il fait tellement chaud. Quand tu regardes sa map, là, c'est short, la map. Tu sais, tu regardes une map, c'est facile, aller là. Mais quand tu arrives dans ton avion, là, puis tu prends le taxi, puis tu prends ton char, tu commences à rider sa route, là, tu t'aperçois que tu fais pas un aussi grand voyage que tu avais fait sur la map. Bon, mais notre vie, sur le plan matériel, c'est la même chose. On projette loin, mais on n'a aucune idée ce que ça implique. Moi, je vous dis aujourd'hui, pour vos oreilles, Je vous dis aujourd'hui que lorsque l'homme, pour que l'homme, les conditions qui amèneront l'homme à passer d'un univers matériel à un univers éthérique, les conditions sont brutalement réelles. Quand je veux dire brutalement réelles, je veux dire que le matériel psychologique de l'homme est brutalement réorganisé. Alors, ils le font petit à petit, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ainsi de suite. Parce que pour répondre à une question ou à une question non formulée de notre cher ami Louise Farmer, qui se demande dans son fond intérieur qu'est-ce que c'est la différence entre un homme fusionné puis un homme qui entre en contact avec les extraterrestres, par exemple, ou des êtres évolués. Alors, pour lui faire plaisir, je vais répondre. D'abord, il faut expliquer qu'est-ce que c'est des extraterrestres. Il y a des extraterrestres qui œuvrent et qui œuvreront avec l'homme pour l'évolution scientifique de l'homme. Il y a des extraterrestres qui chercheront la destruction de l'homme. Deuxièmement, l'homme ne peut pas se protéger contre les extraterrestres. Ils sont trop puissants dans le mental. Ils ont une évolution différente de la nôtre. Mais ils ne sont pas nécessairement plus intelligents que l'homme. Mais ils sont plus puissants que l'homme. Et quand je dis que les extraterrestres ne sont pas nécessairement plus intelligents que l'homme, je veux dire que les extraterrestres n'ont pas nécessairement accès au même rayon que l'homme. Parce que c'est le rayon qui détermine l'intelligence, et non la grosseur du cerveau. Deuxièmement, quand je parle des immortels, comment est-ce que je pourrais vous expliquer ça? Quand vous avez une nation, puis vous avez un roi, vous avez une élection quelconque, hein, ou un président de nation, alors là, le peuple vote, il y a un président qui vient à la présidence, et tout d'un coup, là, le programme politique qui est dans sa tête, qui fait partie de sa conception politique, change l'évolution de la nation. Castro à Cuba, par exemple, ainsi de suite. Bon. Les gens ne savent pas quand ils élisent le président ou quand le président vient. Hein? Au niveau de certains hommes, dont moi je suis un sur le globe matériel, les hommes ne savent pas, ne comprennent pas qu'est-ce que c'est un homme fusionné. Les hommes ne savent pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait un homme fusionné. Les hommes ne savent pas qu'est-ce que ça implique un homme fusionné. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un initié, un être descendant. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un avatar. Ils ont lu des livres, mais ils ne savent pas dans leur expérience historique qu'est-ce que c'est. Ils savent qu'il y a eu Nazaréen, ils savent qu'il y a eu d'autres. Mais dans leur expérience moderne, contemporaine, avec le matériel psychologique d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est. Et les hommes ont tendance à lire ou à écouter les histoires anciennes concernant les êtres descendants. Mais les hommes ne réalisent pas qu'un être descendant qui vient sur une planète possède en lui le secret de l'évolution de cette planète-là, à cause de sa fusion avec le juste repensé. Et le secret d'une fusion, le secret qui provient de cette fusion avec un ajusteur de pensée, fait partie de l'intelligence rayonnante de cet ajusteur de pensée-là avec cet homme-là. De sorte que les conditions qui surgissent de son contour, de son expression, de son passage sur un plan historique pendant un certain temps, ne sont jamais connues de l'homme qu'après. De sorte que lorsqu'un homme, un être descendant, vient sur une planète pour faire un travail que lui comprend, que lui connaît, ce travail-là n'est pas assujetti à l'histoire ancienne, à la tradition. C'est neuf, totalement neuf. De sorte que si dans la tradition, on parle d'extraterrestres, on parle d'immortalité, on parle de nouveau cycle, et ainsi de suite, ce parlage, ce langage fait partie de la précognition donnée à l'homme des événements futurs. Mais quand le gars il est élu à la présidence, c'est lui qui change le programme politique. Comment vous avez dit? Puis c'est dans ce cadre-là que l'homme qui va vers la conscience cosmique, qui va vers l'ouverture de certains centres d'énergie, qui lui permettent d'atteindre, finalement, de travailler avec, d'être en union télépathique, mentale, précise avec l'intelligence, lorsque ce travail-là est commencé sur une planète, il n'y a plus de fin. Et quand je dis qu'il n'y a plus de fin, je veux dire qu'il n'y a plus de conditions qui peuvent terminer ceci. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite dans l'exposition de l'homme, devant le plan futur. Il n'y en a plus. Alors, automatiquement, il ne relève à l'homme, soit à l'être descendant qui travaille, ou à ceux qui viennent après lui et qui entrent dans la même énergie, il ne relève à ces êtres qu'une chose, qu'une responsabilité, c'est de vivre leur vie sur le plan matériel, selon l'intelligence qu'ils ont temporairement, pour vivre leur vie demain selon l'intelligence qu'ils auront demain, pour vivre leur vie dans 6 ans selon l'intelligence qu'ils auront dans 6 ans, mais ne jamais se préoccuper de ce qu'ils connaîtront ou vivront dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 100 ans, 40 ans. L'ego doit être totalement désengagé de demain. Moi, je sais, par exemple, que je m'occupe sur le plan matériel de créer une conscience sociale dont la valeur de l'intelligence est... Ça marche-tu, cette affaire-là? Dont la valeur de l'intelligence est simplement une condition permettant à un certain nombre d'hommes, dans un temps futur, d'être en communication télépathique avec mon éthérique. Alors, c'est pas nécessairement de la 6e race que je m'intéresse. Je parle de la 6e race parce que la 6e race vient. Mais c'est pas de la 6e race que je parle. Je parle d'un gouvernement invisible. La raison pour laquelle je parle de la 6e race, c'est parce que je m'adresse à un public qui est vaste et je m'adresse à un public qui est en relation avec la tradition. Mais le gouvernement invisible de la 6e race n'est pas connu dans la tradition. Le gouvernement invisible, les structures, l'évolution, le travail nécessaire pour l'évolution de ce gouvernement-là fait partie de mes activités. Et c'est pour ça que il y aura toujours une différence entre la tradition et moi-même. C'est pour ça qu'il y aura toujours une différence entre ce qui a été dit dans la tradition et ce que je dirai dans l'avenir de la tradition, parce que la tradition est simplement mon trépied. La tradition, c'est le sol que je foule pour élever les gens au-dessus du passé, pour les faire passer dans une conscience éventuelle, où les hommes auront la capacité de reconnaître les êtres qui seront responsables pour des siècles à venir de l'évolution de l'humanité, autrement dit, les invisibles de la Terre. Et dans le mouvement de cette travail dans cette structure qui est très longue et très profonde et très occulte, il y a à la fois les hommes de la 6e race qui viendront, il y a aussi le gouvernement invisible et il y a aussi les immortels. Et les immortels se retrouvent dans 2 catégories d'esprits. Les immortels, il y a des immortels qui sont ce que j'appelle des immortels à long terme. Et il y a des immortels qui sont déjà aujourd'hui en générance d'immortalité. Et les immortels qui sont aujourd'hui en générance d'immortalité, je les connais. Je le dirai jamais, mais je les connais. Et les immortels qui sont à long terme, aussi je les connais, mais ce ne sont pas les immortels à long terme qui m'intéressent, ce sont les immortels en générance d'immortalité aujourd'hui. Parce que les immortels à long terme, ce sont ceux qui seront éventuellement en contact avec les extraterrestres et qui auront leur corps matériel renouvelé à cause du contact avec les extraterrestres. Mais ces êtres-là, ces immortels à long terme, le seront à cause du contact vibratoire entre les extraterrestres et le centre mental de la conscience humaine, planétaire, occulte du gouvernement invisible. Autrement dit, sur la Terre, les extraterrestres n'auront aucun et n'ont aucun pouvoir tant que le gouvernement invisible ne sera pas installé d'une façon permanente. Autrement dit, les extraterrestres ne peuvent pas activer, venir sur la planète Terre, faire un travail de reconstruction tant qu'ils ne seront pas donnés l'ordre. Et l'ordre qui sera donné aux extraterrestres pour la reconstruction de la civilisation sur la Terre, en relation avec les plans très vastes de la hiérarchie, sont sous le contrôle d'un être qu'on appelle le régent planétaire. Et lorsque le régent planétaire sera connu de l'homme, et le régent planétaire sera connu de l'homme d'une façon occulte, lorsque le régent planétaire sera connu de l'homme, après l'avènement de l'Antéchrist, à ce moment-là, les hommes qui sont immortalisés par générance, ou ceux qui sont immortels en relation avec l'avenir, reconnaîtront, seront invités par, seront mis en communication télépathique auditive avec le régent planétaire. Mais dans des conditions qui, d'une part, sera et est aujourd'hui présente, et dans une autre part, sera présente demain. Et ça, c'est la raison pour laquelle je commence sur le plan matériel, dans la province de Québec, un travail qui permet à un certain nombre de personnes de reconnaître en eux la vibration de leur liaison avec la régence planétaire. Et ceux qui ont la vibration, et une vibration comme ça, ça ne s'impose pas. Si les gens l'ont, ils l'ont. S'ils l'ont pas, ils l'ont pas. S'ils l'ont, ils sont dans la même vibration que la régence planétaire. Ce sont ces hommes-là qui seront amenés à l'éthérique, non pas par les extraterrestres, mais par le corps moronciel de Jean. Voyez-vous? Alors, le phénomène extraterrestre, on a naturellement tendance on a tendance à penser en termes d'extraterrestres. Il y a beaucoup d'hommes sur la Terre qui sont des extraterrestres, qui sont des incarnations, qui viennent d'autres planètes. Mais on doit comprendre que il y a un nombre limité sur la Terre d'hommes, un très petit nombre d'hommes, qui ne fait pas partie des 144 000 qu'on parle, un très petit nombre d'hommes, qui sont de générance d'immortalité. C'est-à-dire que ces hommes-là ne peuvent pas mourir. Ils ne peuvent pas être conditionnés vibratoirement par les êtres qui viennent d'autres planètes, parce qu'ils ne sont pas régis par eux. Ils les gèrent. Alors, quand un homme a la gérance d'une planète, quand un groupe d'hommes fait partie d'un gouvernement invisible qui dicte les lois de l'évolution planétaire à ces êtres qui viennent d'autres galaxies, ce ne sont pas ces êtres-là qui peuvent être à cause de leurs vibrations générées par les autres. Autrement dit, il existe dans l'univers des hommes, ou sur une planète, des hommes qui sont dans la préscience. Et ces hommes qui sont dans la préscience, lorsque le temps sera venu, seront amenés dans ce que j'appelle la fuite de l'intelligence. Et la fuite de l'intelligence, c'est le passage dans l'éthérique. Et ces hommes-là reconnaîtront leur stage, reconnaîtront leur esprit, reconnaîtront leur poste, reconnaîtront leur intelligence, verront les laboratoires dont ils doivent occuper les sièges, connaîtront les lois, les lieux du gouvernement invisible de la planète, et à ce moment-là, se réuniront en conclave secret pour opérer les premières transformations des lignes d'énergie de l'état de la planète qui permettront après aux extraterrestres de venir à la fin du cycle ici. Ce sont les hommes qui permettront que les extraterrestres viennent sur la Terre. Ce ne seront pas les extraterrestres qui viendront sur la Terre de par leur propre volonté. Parce que il y aura sur la Terre un gouvernement qui représente parfaitement la hiérarchie de la lumière. Alors, le phénomène d'extraterrestre, il y a des hommes sur la Terre qui sont plus importants dans ma vie que les extraterrestres. Le rayon détermine l'intelligence. Comment est-ce qu'on parle de rayon? Le rayon, c'est une fréquence vibratoire qui est maintenue, qui est soutenue à partir de son point d'origine jusqu'aux plans les plus inférieurs, le plan de l'homme, et qui permettent qu'il existe dans le cosmos ce que l'on appelle des systèmes ou des réseaux de communication. Et ce rayon-là, il est manipulé vibratoirement par des intelligences qui sont au-delà de la forme. Et ces intelligences qui sont au-delà de la forme que nous connaissons, qui se cachent derrière la lumière, sont ce qu'on appelle des ajusteurs de pensée. Et ces êtres-là connaissent la fréquence, la vibration dont a besoin un homme, un être humain, pour recevoir de l'information, de la communication à un niveau quelconque, mental, émotif ou quoi que ce soit. Autrement dit, ils contrôlent chimiquement ou électriquement les différents plans de l'homme, et ce sont ces intelligences qui sont les plus rapprochées de l'homme, et ce sont ces intelligences qui représentent éventuellement le but terminal de l'évolution, qui est la fusion, autrement dit, la pénétration du haut avec le bas, l'unité totale, et la garde du secret d'évolution concernant tel ou tel homme, ou tel homme, ou tel homme, selon son niveau d'évolution. Je dis souvent que je n'ai pas commencé à parler. Je dis souvent que je pourrais parler pendant des centaines d'années et que je n'aurais pas commencé à parler. Pourquoi je dis ça? Parce que j'essaie de faire comprendre à l'homme que l'intelligence, que le rayon, que la régence est déjà active sur la planète. La régence est déjà active sur la planète, et elle est active sur le plan matériel, et un jour elle sera active sur le plan éthérique. Et lorsqu'elle sera active sur le plan éthérique, à ce moment-là, le corps matériel servira à la régence. Mais ceci ne peut pas être fait avant que le temps soit convenu, et le temps est convenu par la hiérarchie. Il n'est pas convenu par l'homme. Ce que l'homme doit faire dans ce temps-là, c'est d'ajuster ses corps pour que, lorsque le temps soit convenu, l'homme puisse entrer dans cette vibration, dans cette énergie, travailler avec la régence. Il y a des gens avec lesquels on peut parler et qui comprennent instantanément ce qu'on dit, qui n'ont aucune curiosité vis-à-vis ce que l'on dit, qui savent que ce que l'on dit fait partie de ce qu'ils savent. Ces gens-là font partie du gouvernement invisible. Et même si nous n'indiquons jamais à ces gens-là qu'ils font partie du gouvernement invisible, ces gens-là font partie du gouvernement invisible. Ça, c'est une catégorie d'hommes. Ensuite, il y a d'autres gens qui s'intéressent à ce que l'on dit, qui trouvent ça intéressant, ou qui trouvent ça exorbitant. Autrement dit, qui ont une attitude quelconque, positive ou négative, envers ou contre ce que l'on dit. Ces gens-là s'acheminent, ou peuvent s'acheminer, vers un niveau d'intelligence supérieur, autrement dit supramental, qui leur permettra éventuellement de vivre le contact avec les extraterrestres. De revenir sur la Terre, en potentiel, en pouvoir pour continuer l'évolution de l'homme, mais sur une autre échelle vibratoire. Mais ces gens-là ne font pas partie des immortels. Et ils pourront éventuellement immortaliser leur corps à cause de la science de l'avenir. Mais leurs corps seront immortalisés par des machines et non par leur esprit. Alors, il y a deux sortes d'immortalité. Il y a l'immortalité qui provient du pouvoir de la science cosmique sur l'homme qui descendra, qui sera donné à l'homme, et il y a le pouvoir de l'esprit. Le Christ n'avait pas besoin d'une machine pour sortir de son tombeau et de transmuter son corps. Alors, il y a deux sortes d'immortalité. Et c'est la première sotte qui m'intéresse et non la seconde. La seconde, ça fait partie du mouvement naturel de la science, tandis que le premier fait partie du pouvoir de la hiérarchie sur la Terre. Et ceux qui font partie du gouvernement invisible feront automatiquement partie de la hiérarchie sur la Terre. Et ceux qui feront partie de la hiérarchie sur la Terre font déjà partie de la hiérarchie aujourd'hui dans l'éthérique, mais à leur insu. De sorte qu'il n'y a pas connexion entre leur conscient et leur inconscient. C'est pour ça que je traite du problème de l'homme de deux façons. Je traite du problème de l'homme d'une façon universelle, philosophique, ésotérique, psychologique, pour les hommes, pour la sixième race, pour le monde. Et je traite du problème de l'homme d'une façon totalement particulière, individuelle, moroncielle, avec un petit nombre d'individus. Mais comme je ne peux pas traiter vibratoirement en me servant de la psychologie, ceux avec lesquels je peux traiter vibratoirement sans passer par la psychologie sont ceux qui, dans un avenir plus ou moins rapproché, découvriront qu'ils ont des centres déjà préparés pour le contact auditif avec l'éther. Et c'est là qu'il se fait une séparation entre les immortels et les hommes de la sixième race. Les hommes de la sixième race sont simplement une continuation de la cinquième race. Mais les immortels ne sont pas une continuation de la cinquième race. Ils sont une descente dans la matière d'être supérieurement évolué, provenant de la galaxie et travaillant sur la Terre pour maintenir de l'ordre dans l'avenir de l'humanité. Et quand je dis maintenir de l'ordre dans l'avenir de l'humanité, je veux dire être sur la Terre pendant un certain nombre d'années ou de siècles, une période suffisamment longue pour empêcher que les forces astrales reprennent le contrôle de l'évolution. Et lorsque ces êtres seront en activité sur la Terre, seront en relation avec l'homme, d'une façon matérielle ou d'une façon magique, automatiquement, les forces de l'astral seront coupées et n'auront aucun pouvoir sur la Terre. Parce que les forces de la Terre ne peuvent pas être contrôlées par deux forces à la fois. Il ne peut pas y avoir sur la Terre les forces de la lumière et à la fois les forces des ténèbres. Il y a soit un ou l'autre. Alors, quand un disparaît parce que l'autre avance, l'autre demeure pendant un certain temps, et lorsque l'autre se retire, l'autre avance encore, et les cycles recontinuent. Mais nous, les hommes, ce que nous devons apprendre, les hommes, soit les hommes de la sixième race, ou soit les immortels, ce que nous devons apprendre, c'est que ce que nous devons apprendre ne peut pas s'apprendre par le mental, ne peut s'apprendre que par vibration. Et que ce n'est que la vibration de l'intelligence qui détermine la nature même de l'homme de demain. La nature de l'homme de demain étant cette nature pure et parfaite, ou cette nature grande mais imparfaite qui est l'homme de la sixième race. Les immortels ont une nature pure et parfaite. Les hommes de la sixième race auront une nature grande mais imparfaite, qui sera reconstituée en perfection durant la septième évolution. Alors, l'ego, l'homme, ne doit pas s'attarder à un ou à l'autre. Puisque les secrets de la vie sont contenus déjà dans l'esprit de celui qui est en voie de fusion. Celui qui est en rapprochement de fusion. Les secrets de la vie sont déjà contenus en lui. Il les sait, il les connaît, il les reconnaît. S'ils sont parlés par un être quelconque, tel que moi-même, il les reconnaît. S'il ne le reconnaît pas, c'est parce qu'il ne peut pas le reconnaître. Ce n'est pas moi qui viens à l'homme et qui lui dit qu'il est immortel. C'est moi qui viens à l'homme et qui lui parle et qui permet à ce que cet homme reconnaisse ce que je dis parce que déjà il connaît ce que je sais. Elle est là, la liaison entre les immortels. Quand vous rencontrez, quand vous avez 18 ans, vous tombez en amour et que vous rencontrez quelqu'un et que ça vibre, vous tombez en amour par sympathie, c'est vibratoire. C'est seulement plus tard, quand vous avez 30 ans, 40 ans, 45 ans, que vous checkez s'il y a bien les assurances. Je comprends, à cause de la nature de notre esprit et à cause de la nature de notre psychologie, que nous cherchons à nous situer d'un côté ou d'un autre, ou que nous cherchons à nous situer dans un cadre éventuel d'évolution supérieure, ça c'est normal. Mais je vous affirme que ce sont les conditions de vie futures qui détermineront si vous avez la capacité de passer d'un plan à un autre. Et ces conditions de vie future, elles sont construites et définies aujourd'hui même par la parole. C'est aujourd'hui même que vous devez en arriver à préciser en vous-même la nature même de votre évolution et non dans l'avenir. Mais il reste toujours une inquiétude dans le fond de l'esprit de l'homme. Il y a toujours cette inquiétude de manquer son coup. Mais l'inquiétude de manquer son coup fait partie encore de l'inquiétude de l'ego. L'homme ne manque pas son coup. Que l'homme devienne, qu'il s'immortalise dans un temps qui est proche, ou qu'il appartienne à une race supérieure dans un temps qui est proche, ou qu'il reconnaisse et qu'il observe le contact entre l'homme et les frères de l'espace dans un temps qui est proche, ceci ne préclut pas que cet homme-là, un jour, puisse en arriver à un niveau d'évolution supérieure. Parce que, avec ce que l'homme sait, ou avec ce que l'homme sera dans les années qui viennent, il est très évident que la mort matérielle, que même la mort profane, sera pour lui un passage extrêmement doux, lui permettant de l'autre côté de déjà comprendre et connaître les mystères de l'évolution. C'est toujours la fameuse inquiétude et l'incompréhension du phénomène de la mort qui empêche l'homme de vivre sa vie aujourd'hui d'une façon totalement désengagée au niveau de l'ego. D'abord, la mort en tant que telle, ça n'existe pas. Le mot mort, on l'a institué parce qu'on a observé le phénomène de la décorporation. Il existe parce qu'on a observé le phénomène de la décadence du corps matériel dans la Terre. Mais l'esprit, lui, ne meurt pas. Mais l'esprit se retrouve dans des conditions de vie qui ne lui permettent pas d'être dans l'intelligence. C'est ça la mort. Mais si l'esprit a été abreuvé pendant un certain nombre d'années d'une philosophie, si vous voulez, ou d'un dialogue lui permettant une ouverture d'esprit et lui permettant une plus grande conscience, lorsque vient le temps de la profanation de son corps matériel, à ce moment-là, il est très simple à l'esprit de mourir. Et à ce moment-là, il lui est plus facile de reconstituer rapidement de l'autre côté des conditions d'évolution future aptes à lui redonner dans un temps quelconque une intelligence parfaite et aussi un corps matériel parfait. Alors, c'est pas à l'homme de s'occuper s'il va manquer son coup ou non. C'est simplement une inquiétude psychologique de l'ego. Si vous manquez pas votre coup, c'est parce que vous ne pourrez pas manquer votre coup. Et si vous manquez votre coup, c'est parce que vous ne pourrez pas manquer votre coup plus tard. Mais il y a une chose que je vous dis d'une façon totalement gratuite. Celui qui écoute, celui qui est capable d'écouter, celui qui est capable de rencontrer l'esprit de celui qui vient sur la planète pour élever l'esprit est déjà à moitié dans l'esprit de celui qui vient sur la planète pour élever l'esprit. Et si un est dans l'esprit de celui qui vient sur la planète pour élever l'esprit, celui qui est sur cette planète ne peut pas oublier celui qui a ouvert son esprit à lui. De sorte que même si aujourd'hui vous considérez les conditions de votre évolution comme étant lentes, comme étant pénibles, si aujourd'hui vous ne voyez pas qu'il y a demain, dans 20 ans ou dans 30 ans, de possibilités à cause de l'âge ou à cause d'une malfaçon de votre corps matériel. Rappelez-vous une chose, c'est que l'esprit est éternel et que la conscience des avatars sur le plan matériel est continue même dans l'éther et va au-delà des portes de la mort. De sorte que l'homme qui est mort mais qui a entendu et qui a écouté l'esprit de celui qui est vivant n'est pas réellement mort, il est simplement assoupi dans un sommeil, mais un sommeil qui a une durée plus courte que celui qui n'a jamais entendu ses paroles. Je t'en ai parlé. Pense à ça. Essayez! Alors, on arrête.